QSM sort de sa muse et QSM chante le blues plus fort que Johnny et plus Mitchell qui dit QSM se frotte à Dick, sombre comme Moby Dick. L'anaconda vocifère et enchaîne vert sur vert. La véranda vibre plus groovy qu'un tigre et QSM se déhanche. Ce blues est étrange, malsain comme la mafia et vilain comme un gros chat. Crédible comme un virosol Mac, QSM part à l'attaque. QSM est à la Louisiane ce que la carotte est à l'âne. Hélas, QSM vive le baston. À la carotte, il préfère le bâton. QSM aime la Nouvelle-Orléans. Et l'inverse est peu évident. Depuis que QSM est méché, a essayé désespérément de les singer. QSM sort de sa bouche. QSM chante le blues. L'anaconda vocifère, oh yeah, et enchaîne vers sur vers. La véranda vibre, boum boum, plus groupé qu'un tigre. Encore ce plus est étrange.